laisse parler ton cœur. Adore ce Dieu car il le mérite. Il mérite l'adoration. Il mérite que nous puissions l'élever. Il mérite que nous puissions le célébrer. Nous t'adorons, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout. Il ne peut se comparer à toi, les saints d'Israël, les dieux saints chez toi. Nous célébrons ton nom, nous t'élèverons car toi seul tu le mérites. Toi seul tu le mérites, toi seul tu le mérites. Toi seul tu mérites que nous puissions t'élever. Tu mérites que tous genoux fléchissent devant toi et tu te confesse que tu es Seigneur. Toi, le Dieu vivant et vrai, le Dieu qui n'est pas l'utopie. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai, tu es le Dieu redoutable, tu es le Dieu capable, le Dieu qui n'a jamais échoué, c'est toi, le Dieu qui n'a jamais échoué, c'est toi, le Dieu qui ne recule jamais devant ses adversaires. Alléluia, nous te célébrons car tu es digne, tu es le roi. Alléluia, Rika Saka Manarandaraba, Saka Manaristaraba, Sanda Manarindaraba, Rika Manarindaraba. Il n'y a que toi seul qui le mérite, Seigneur. Tu es le seul qui mérite nos alléluia. Tu es le seul qui mérite nos alléluia. Merci car tu nous as convoqués à ces lieux pour nous parler. Seigneur, parle à un cœur. Parle à un cœur, Seigneur, change. Change la vie de quelqu'un ce matin, Seigneur. Transforme une vie ce matin, Seigneur. Transforme une vie ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, merci car tu es présent au milieu de nous. Merci car tu vas encore te manifester ce matin. Merci Seigneur car tu vas amener quelqu'un à la conversion ce matin. Merci Seigneur car tu vas amener quelqu'un à la repentance ce matin. Tu vas amener quelqu'un à prendre une nouvelle décision ce matin. Il y a une forte présence du Seigneur ce matin. Adore. Adore le Seigneur. Encore-les encore. Élève-les encore une fois. Encore-les. Élève-les encore une fois ce matin. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au point de faire quelque chose ce matin. Il va toucher un cœur. Il va toucher un cœur ce matin. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Sois attentif à ce Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia sont à toi. Alléluia. Mes alléluia sont à toi. Mes alléluia sont à toi. Alléluia. Mes alléluia sont à toi. Ce matin, mes alléluia. Mes alléluia sont Seigneur qui mérite tes alléluia. qui mérite nos acclamations. Alléluia. Pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur mérite nos alléluia. Il est celui qui nous a tirés de l'esclavage de l'ennemi. Il est celui qui nous a libérés de l'emprise du diable et de l'esclavage du diable. Il est celui qui nous a délivrés de l'esclavage de la prostitution. Il t'a délivré de l'esclavage du vol, de l'escroquerie. Alléluia. Si le Seigneur ne t'avait pas sauvé, peut-être qu'aujourd'hui tu serais déjà mort du VIH. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque les païens nous voient, ils pensent que nous sommes des fous. Nous sommes des fous de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes là encore dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous parler. Nous sommes venus écouter le Seigneur. Et ce matin, il veut nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « La crainte de Dieu ». Force pour mon établissement. La crainte de Dieu, force pour mon établissement. Depuis un certain temps, nous avons été enseignés pendant longtemps par rapport à l'établissement. Le thème était « Quand Dieu vous établit ». Nous avons suivi ce thème ici et nous avons vraiment été bénis. Je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous connaît en quoi le Seigneur l'a établi. Alléluia. Être établi, c'est une responsabilité que Dieu nous donne. Et il attend de nous les résultats. Lorsque Dieu nous établit, il attend de nous des résultats. Il attend quelque chose de notre part. Nous devons assumer nos responsabilités par rapport à cet établissement que le Seigneur nous a donné. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 10, nous voyons comment le Seigneur, à partir du verset 4, il est en train de dire à Jérémie, « Je te connaissais avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Il l'informe que je t'avais établi avant que tu sois conçu. Je t'avais établi. Et il est en train maintenant de lui expliquer, lorsque nous continuons jusqu'au verset 10, il est en train de lui expliquer ce qui compte, les contenus de son établissement. Alléluia. Il lui dit, tu es prophète, mais il lui explique ce qu'il sera en train de faire à tant que prophète. C'est-à-dire, c'est une chose d'être établi, mais c'est une autre chose de faire ce qui est dans l'établissement. Alléluia. Bien-aimés, nous devons assumer notre responsabilité. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et nous allons lire Psaume chapitre 34, versets 10 à 12. Psaume chapitre 34, verset 10 à 10 à 12, et puis nous allons prendre Psaume chapitre 111, verset 10. La Bible nous dit ceci. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont pas privés de quel bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Psaume chapitre 11, le verset 10, ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Acclamons la parole de Dieu. J'étais en train de dire que lorsque Dieu nous établit, il attend quelque chose de nous. Il attaque quelque chose de notre part. Lorsque nous lisons le verset 19 du texte de Jérémie, vous allez lire ça à la maison, nous voyons combien le Seigneur est en train de donner une promesse à Jérémie après lui avoir décrit ce qui est contenu dans sa mission, attaquer prophète. il lui dit, je suis avec toi pour te délivrer. Dieu, lorsqu'il nous établit, il sait que nous pouvons rencontrer des blocages, il sait que nous pouvons rencontrer des défis, il sait que nous pouvons rencontrer des combats. Et il dit à Jérémie, je serai avec toi pour te délivrer. Je vais t'accompagner dans cette mission. Je t'établis comme prophète, mais tu ne vas pas, tu ne seras pas seul. Je serai avec toi, je vais t'accompagner. Bien-aimé, on nous a parlé longuement que lorsque Dieu nous établit, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous, il nous accompagne, il nous observe pour regarder là où nous allons échouer, pour qu'il puisse nous relever, là où nous allons manquer quoi faire, pour qu'il puisse nous souffler quoi faire, alléluia. Mais pour que Dieu nous accompagne, pour que Dieu nous aide, pour que Dieu nous, vienne nous secourir dans ce que nous sommes en train de faire, dans notre mission, en tant que femme, homme établi et jeune établi, nous devons afficher un certain comportement avec notre Dieu. Parfois, dans nos attitudes, nous montrons à Dieu que laisse-moi, Seigneur, moi j'ai déjà grandi, je suis déjà une grande personne, il ne faut pas me poursuivre partout où je vais. Laisse-moi, j'ai grandi. Nous disons comme les adolescents. Papa, pourquoi tu me contrôles? J'ai déjà grandi. Laisse-moi. Un garçon de 14 ans, une fille de 16 ans. Parfois, nous nous comportons comme ça envers Dieu. Dieu promet d'être avec nous, mais il ne va pas nous forcer. Il ne va pas nous dicter. Dieu n'est pas dictateur, bien-aimé. Dieu nous laisse la liberté. Il t'a établi comme chef de ta famille, mais il te laisse la liberté. Mais il te dit, j'ai besoin de t'accompagner. Mon projet est de t'accompagner. Mon projet est d'être avec toi puisque je sais que tu vas rencontrer des difficultés là-devant. Mais dans nos attitudes, parfois nous refusons. Nous devons adopter une certaine attitude pour que l'accompagnement de Dieu dans notre établissement soit possible. La plupart des fois, nous nous comportons comme des rebelles vis-à-vis de Dieu qui nous a établis. Tu étais en train de demander le mariage à Dieu. Seigneur, donne-moi le mariage. Bénis-moi avec du travail. Dès que le Seigneur te donne, tu lui dis, Seigneur, ta mission est finie. Laisse-moi. Laisse-moi laisser. Ou quoi ni fata fata ou api? Nous ne le disons pas dans nos bouches, mais dans nos attitudes. Bien-aimés, nous devons afficher l'attitude de vouloir que Dieu puisse nous accompagner dans notre établissement. Lorsque nous affichons cette rébellion, c'est la raison pour laquelle parfois nous rencontrons des difficultés que nous n'arrivons pas à résoudre. Nous commençons quoi faire. Et d'autres vont chez les féticheurs. Ils oublient que c'est Dieu qui les a établis. Lorsqu'ils rencontrent des problèmes, ils partent chercher celui qui va les protéger ou résoudre les problèmes qu'il a rencontrés dans l'établissement que Dieu lui a donné. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire attention. Lorsque Dieu nous établit, attaqué, père de famille, il connaît que signifie être père de famille. Il connaît que signifie être PDG d'une entreprise. Lorsque Dieu t'établit comme PDG d'une entreprise, il connaît que signifie être PDG d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle il veut t'accompagner, puisque toi tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous poser une question. Entre les fabricants du téléphone, celui qui a fabriqué le téléphone, et celui qui utilise le téléphone, nos jeunes gens là qui connaissent toutes les applications qui sont dans les téléphones. Qui connaît mieux les téléphones? Pardon? C'est les fabricants. Pour mieux comprendre les téléphones, il faut voir les fabricants. Là, tu vas bien. Nous tous là qui utilisons les téléphones, nous ne connaissons pas les téléphones. Puisque celui qui avait fabriqué les téléphones n'est pas ici au milieu de nous. Alléluia. Lorsque Dieu nous établit dans un poste, dans une responsabilité. C'est lui qui connaît les méandres de cette responsabilité. C'est lui qui connaît comment on réussit dans cette responsabilité. C'est lui qui connaît les difficultés qu'on peut rencontrer dans cette responsabilité. Mais la plupart des fois, nous les laissons. Or, lui, quand il nous a établis, il a dit, j'aimerais être avec toi, puisque j'aimerais combattre pour toi. Je sais que tu vas rencontrer des combats. Je sais qu'on ne va pas t'aimer. Il y a des gens qui ne veulent pas de ta tête dans cette entreprise-là. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu sois l'épouse de ces garçons-là. Il y a des gens qui ne veulent pas. Mais moi, Dieu, comme moi j'ai décidé que tu sois son épouse, je sais, je connais les combats que tu vas rencontrer. Ne me laisse pas, laisse-moi t'accompagner. Mais dans nos attitudes, nous disons à Dieu. D'autres, je l'ai toujours dit, je le dirai encore, d'autres, à partir seulement d'ici. Dès que le pasteur a dit, je vous déclare mari et femme, on acclame. Ils franchissent cette porte-là. Ils prennent la photo avec le pasteur, c'est tout. Ils disent, pasteur, bye bye, reste avec ton Dieu. Toi, Dieu, il ne faut pas nous suivre. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans vos fêtes? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Que signifie la musique? La musique, c'est un son agréable à l'oreille. Simple définition. Et la musique de Dieu, ce n'est pas un son agréable à l'oreille. Pourquoi dans vos fêtes, vous choisissez des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Parfois, j'entre dans des fêtes de chrétiens, je me demande, nous sommes où? Où sommes-nous? Et vous avez demandé à un pasteur, à un ancien de l'église de vous parrainer et vous voulez lui faire danser vos choses-là. Ça, c'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, oh, toute ma famille, on est catholique, il faut que j'obéisse, il faut que je respecte. Est-ce que tu respectes Dieu? Pourquoi pas ne pas imposer ton Dieu là où tu es? Pourquoi toi, tu veux seulement qu'on t'impose les choses? Bien-aimés, nous attaquons. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Donc, batoto ya mungu njo ba sirimu ya kwanza. Comment toi, on peut t'imposer les choses? Pourquoi toi, tu ne peux pas t'imposer? De toutes les façons, si vous attaquez famille, vous voulez organiser ma fête. C'est ma fête, non? C'est moi qui me marie. Vous ne venez pas fêter dans ma fête. Oui, c'est ça. Il faut dire à vos familles, c'est vous qui venez faire votre fête dans mon mariage ou bien c'est mon mariage. C'est votre fête. Si la famille prétend qu'il veut organiser la fête pour vous réjouir, il faut qu'ils se soumettent à ce que vous voulez. Comment ils vont venir avec leur boisson pour vous boire ça dans votre fête, vous chrétiens? Alléluia. Nous ne connaissons pas notre valeur. C'est la raison pour laquelle nous laissons que le monde puisse nous dominer, puisse nous conduire. C'est nous qui devons conduire le monde. Alléluia. Même si tous les gens peuvent critiquer la prière du président, moi je m'agenouille, je prie pour lui. Je dis, comme il a seulement pensé à Dieu, Seigneur, protège-les. Alléluia. Pourquoi nous aimons seulement critiquer nos autorités? Une fois dans l'histoire, vous avez même s'il n'est pas sincère. Ça, c'est ce problème. Nous l'aimons. L'amour croit tout. Le fait qu'il a prononcé le nom de Dieu, bien-aimé chrétien, et puis c'est un fidèle de votre église. C'est un fidèle de votre église. Vous savez que la borne, Philadelphie, Arche, c'est une même communauté. 37e KDC. Et puis, c'est vous les premiers à les critiquer. Il est chrétien, c'est Dieu qui le connaît. Le fait qu'il a invoqué le nom de Dieu. Prions seulement pour qu'il marche dans la crainte de Dieu. Alléluia! Bien-aimés, manifestons à Dieu l'attitude de le craindre, de vouloir qu'il puisse nous accompagner. Dans la Bible, il y a un homme qui avait été établi par Dieu, mais qui n'a pas reconnu que Dieu devait l'accompagner. Vous allez lire ce texte à la maison, c'est l'histoire de Samson. Juges chapitre 13. vous parle de comment Samson a été conçu. Sa mère était stérile pendant longtemps. Et la Bible nous dit que l'ange est venu visiter sa mère. Et il lui a dit, tu seras enceinte. L'enfant là que tu vas porter, il ne faut pas boire l'alcool. Nous les mamans, lorsque nous sommes enceintes, est-ce que nous avons l'état d'écouter de Dieu pour savoir qui nous portons? Nous mangeons toutes choses. Oh, je mange les mabelés. Oh, je mange les quoi. Oh. L'enfant que tu portes, tu connais qui il est? Comme c'est Dieu qui a décidé. La Bible ne nous dit pas que cette femme est allée demander à Dieu. C'est Dieu, c'est l'ange qui est venu. Il a dit, toi, tu vas porter un enfant. Écoute bien les instructions. Puisque cet enfant-là, toi, je t'établis pour porter cet enfant-là. Il y a des conditions. Tu ne prendras pas d'alcool. Et tu ne couperas jamais ses cheveux. C'est Dieu qui connaissait la mission de Salomon. C'est Dieu qui connaissait le contenu qu'il voulait mettre dans les seins de cette maman-là. C'est la raison pour laquelle il lui a donné des instructions. Alléluia. Mais lorsque nous, on nous a établis pour quelque chose, nous n'avons même pas l'état d'écouter Dieu. Quelles sont les instructions de Dieu dans ce qu'il m'a donné comme responsabilité? Lorsque l'enfant a grandi, ses parents peut-être qui lui ont dit, puisqu'il savait. Mais bien aimé, il a oublié qu'il y avait des instructions. Il a oublié qu'il devait se confier à celui qu'il avait établi. Et nous voyons sa ruine. La chose que Dieu avait dit, qu'il ne faut pas couper les cheveux. Lui, il est allé se faire couper les cheveux. Puisque la voie qu'il a choisie, il a dit à Dieu, tu m'as déjà établi, laisse-moi laisser. Laisse-moi. Son cœur s'est tourné seulement vers les prostituées. Son père lui disait, mais ici, vraiment, ici chez nous, il n'y a pas de femmes. Alléluia. Bien-aimés, nous devons laisser Dieu nous accompagner. Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une attitude à afficher vis-à-vis de notre Dieu. Lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, nous ne parlons pas de la peur. Donc la crainte de Dieu dont nous parlons n'est pas synonyme de la peur. La crainte de Dieu, dans les dictionnaires bibliques, parle de la crainte, c'est l'obéissance, c'est le respect envers Dieu. L'obéissance signifie soumission, c'est soumettre à Dieu. C'est de cette crainte-là que nous sommes en train de parler ce matin. Et cette crainte-là, nous la voyons dans la vie de Salomon. Dieu a établi Salomon comme roi. Comme Salomon avait la crainte de Dieu, il a dit non, Dieu vient de m'établir. C'est lui qui connaît que signifie être roi. Je rentre auprès de lui. Et Salomon est allé auprès de Dieu pour aller consulter Dieu. Et Dieu lui a donné les capacités de conduire le peuple. Alléluia. La crainte de Dieu dont nous parlons découle d'une relation personnelle avec Dieu. Vous ne pouvez pas craindre quelqu'un dont vous n'avez pas une relation avec. Cette crainte-là découle d'une relation personnelle avec lui. Et cette relation est basée sur l'amour. Notre relation avec Dieu repose sur l'amour. Il nous a aimés les premiers. Nous, lorsque nous l'aimons, nous répondons à son amour. Bien-aimé, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne sauras pas le craindre. Tu ne sauras pas te soumettre à lui. Tu ne sauras pas l'obéir. La Bible nous dit, lorsque j'étais en train de dire que la crainte dont nous parlons, ce n'est pas la peur. Puisque dans l'amour, il n'y a pas la peur. Dans l'amour, il n'y a pas la peur. Comme nous parlons de l'amour, comme nous sommes en train de parler de l'amour, de la crainte qui est basée sur l'amour, donc oublie que ce n'est pas la peur. dont nous avons en train de parler. Car la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 18, il dit ceci, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour vrai bannit la crainte. » L'amour vrai bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La crainte suppose un châtiment. Donc, si dans ton cœur, tu sais que c'est la crainte qui est là, tu ne crées pas Dieu, mais tu crains les fouets de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont comme si, quand vous les voyez, vous pouvez penser qu'ils craignent Dieu. Beaucoup de gens prétendent craindre Dieu, mais ils craignent la verge qui est dans la main de Dieu. Les fouets, la guéhenne. Il a peur du feu éternel. Peut-être c'est la raison pour laquelle il vient à l'église. Peut-être c'est la raison pour laquelle il prie même. Mais il ne crée pas Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas craindre la guerre, mais nous devons craindre Dieu. La relation que nous avons avec Dieu a deux dimensions. La première dimension est que Dieu est Père. La deuxième dimension est Dieu est notre Maître. Malachie chapitre 1, les versets 6 à 7 dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est Dieu qui est en train de parler. Si je suis votre père, si vous prétendez que je suis votre père, où est l'honneur qui me dit? Est-ce que vous m'honorez? Est-ce que vous m'honorez vraiment? Attaquez mes enfants. Nous voulons attaquer père, attaquer mère. Nous voulons que nos enfants nous honorent. Nous attendons quelque chose de... Et cela transparaît par des actes. Alléluia. Tu ne peux pas commencer, ton enfant ne peut pas continuer à te dire, Seigneur, papa, je t'honore, maman, je t'honore, au moment où il est en train de faire le contraire de tout ce que tu lui dis. Et le Seigneur est en train de nous demander ce matin, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous dites que vous êtes mes serviteurs et que je suis votre maître. Si je suis votre maître, où est la crainte? Est-ce que vous me craignez? Alléluia. La crainte de Dieu se manifeste par des petites choses que nous pouvons faire pour Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas vu des choses qui se passent dans l'église? Tu te demandes, est-ce que les gens craignent Dieu? Nous voyons les gens, nous pouvons manifester notre crainte envers Dieu par nos offrandes. Alléluia. Par la préparation de ton offrande, puisque tu sais que tu pars donner ça à un Dieu grand, alléluia, un Dieu redoutable, un Dieu puissant, un Dieu d'amour, c'est lui que tu appelles ton Père. Mais l'offrande que tu lui amènes, comment est-ce que tu les prépares? C'est devant le panier des offrandes que vous prenez, vous cherchez un 100 francs, un 500 francs, un 1000 francs qui est froissé dans votre poche ou dans votre sac, qui est déjà entré dans les trous du sac, hein, dans les sacs, hein, les sacs troués, nos sacs là, les mamans. Quand c'est troué là-dedans, tu commences à faire entrer la main là-dedans pour voir s'il n'y a pas un 100 francs et 200 francs que le motard t'avait donné et que tu es en train de chercher devant le panier des offrandes. Bien-aimés, si nous prétendons que nous respectons Dieu, préparons notre offrande avant de venir. Combien de fois ne voyons-nous pas les mamans, nos mamans là qui font le comptage? Elles souffrent. Vous froissez. Bien-aimés, donner en secret ne signifie pas froisser l'offrande. Non. Même si c'est les 100 francs là que vous avez, que vous voulez donner à Dieu, vous pouvez bien l'arranger. Si c'est déjà froissé, repassez ça. Alléluia. C'est du respect. Si vous voulez donner de l'argent à votre chef, vous allez le froisser. Répondez-moi. Si vous voulez donner l'argent à votre père, vous allez le froisser. Maintenant, Dieu dit, je suis votre père. Vous dites que je suis votre père. honorez-moi. Alléluia. Nous devons honorer Dieu avec notre front. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore-les. Donne-les de sorte à l'honorer. Dans les premiers cultes, je disais, lorsque nous faisons nos achats, nous pouvons ajouter une dépense de plus. Nous pouvons chercher des enveloppes. Les paquets là d'enveloppes, de 100 enveloppes, ça coûte combien? Ça coûte 1 $. Même si vous allez mettre 100 francs, les 100 francs ne vont pas refuser d'entrer dans l'enveloppe. Puisque les enveloppes là de 1 $, c'est 100 enveloppes, donc signifie 100 offrandes. Maintenant, imaginez, si vous venez au culte, combien de fois les mois? Est-ce que vous venez 100 fois? Vous ne venez pas 100 fois. Donc, c'est-à-dire que ces 100 enveloppes peuvent faire même 2 mois, 3 mois. Alléluia. Bien-aimés, respectons Dieu, honorons Dieu avec les actes que nous posons. Ça démontre à Dieu que nous l'aimons et que nous l'honorons. Pourquoi nous craignons les gens et nous ne sommes pas capables de craindre Dieu? Nous pouvons manifester notre crainte envers Dieu par notre état de venir à l'église. Bien-aimés, lorsque Dieu nous convoque, il est là, il est déjà présent. Mais quand est-ce que nous venons à l'église? Quand tu sais que le culte commence à 9h30, c'est à 9h05, à 9h25 et que tu entres dans la douche. Et tu penses que tu vas te laver combien de temps, mettre le maquillage, combien de temps? Même les papas. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous venons en retard à l'église, nous ne sommes pas en train de craindre Dieu. Cela manifeste que touche à Zoé à Mungu. Beaucoup de gens, le fait que les versets là que le pasteur nous faisait lire ici, chaque fois, vous n'êtes plus serviteur, mais vous êtes devenus mes amis. C'est ce verset là peut-être qui est en train de nous noyer. Bien-aimés, Jésus-Christ nous appelle ses amis. Nous ne sommes pas, Jésus-Christ n'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre copain. C'est avec les copains qu'on fait n'importe quoi, qu'on fait des blagues. Mais il dit qu'il est ami. L'ami, on le respecte. Alléluia. L'ami, on le respecte. Le père, on l'honore. Alléluia. Bien-aimés, tâchons de venir à l'église en temps. Cela démontre que nous sommes en train d'honorer notre Dieu, que nous les craignons, que nous l'aimons, que nous les respectons. La façon dont nous venons même à l'église, bien-aimés, nous ne cesserons pas de parler sur cette chose tant que nous n'allons pas changer. Lorsque tu viens à l'église, quel habit tu choisis dans ta garde-robe? Nous les femmes et vous les hommes, vos pantalons là qui descendent. Alléluia. Parfois, on voit quelqu'un qui peut venir à l'église quand il ne s'est pas encore engagé dans cette avenue. Vraiment, tu ne peux pas être. Vraiment, l'église est le dernier endroit que tu peux imaginer qu'il peut aller. Donc, puisque la façon dont il est habillé, tu te demandes, on parle des boîtes de nuit. Est-ce qu'il y a boîte de matin? Puisque celui-là ou celle-là ressemble à quelqu'un qui va dans la boîte. Mais c'est le matin, à 9h. Et puis, on voit, il prend la route. Il vient à l'église, bien-aimé. Est-ce que vraiment tu respectes Dieu? Tu fais respecter Dieu avec tes habits? Pourquoi tu t'habilles mal? Tu cherches quoi? Pourquoi on va répéter la même chose chaque dimanche? Vous savez qu'il y a des tenues pour nous les femmes. Que si tu portes, même pour les hommes, si tu portes cette tenue-là, tu ne peux pas aller faire un test. Alléluia. Tu vas comme ça, tu pars chercher du travail quelque part. Tu viens avec un mini-jupe comme ça. Tu viens avec un pantalon. En fait, c'est les gardiens même. Tu ne vas même pas voir les... Non, pas les patrons. Les patrons, c'est très loin. Il y a les gardiens et puis la réception. Tu ne vas pas entrer à la réception. puisque la sentinelle va te dire, ici, les gens de ton genre n'entrent pas ici. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, nous venons comme nous voulons? Pourquoi? Pourquoi tu peux porter un pantalon là et puis tu mets quelque chose de rouge là? Qu'est-ce que tu veux? Tu es en train d'assorceler ceux qui sont derrière toi. Alléluia! Bien-aimé, les choses qui ne sont pas acceptables dans le monde, nous les amenons à l'église. Pour faire quoi? Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Bien-aimé, vous savez que dans la maison de Dieu, il y a la bénédiction. Il y a aussi la malédiction. Je ne sais pas si tu attaques la malédiction, d'abord ça t'attrape pour que tu changes. Vous pensez que les mamans là, les femmes, les jeunes filles qui portent de longues jupes et des robes de paille, bien habillées, elles n'ont pas de partie à montrer? Elles n'en ont pas? Alléluia! Pourquoi vous faites injurier le nom de Dieu? Pourquoi vous faites injurier le nom de Dieu? Vous savez ce que les gens disent de notre église à cause de vous. Vous-même, vous connaissez les noms. Les noms qu'on nous a déjà donnés là-dehors. À cause de votre habillement. À cause de votre comportement. Le matin, tu es à l'église. Le soir, tu es là-bas, à la vallée de l'ombre et de la mort. Le matin, tu es à l'église. Devant les gens qui sont en train de voir la boisson, tu es là. Pourquoi vous voulez qu'on cite chaque chose avec son nom? Pourquoi? Tu oublies que la boisson n'est pas bien. Même si nous mettons la Bible à côté, les gens qui se sont donnés à la boisson, quel est le résultat? Cirrhose des foies, les familles divisées. Pourquoi? Même, il y a des païens même qui refusent, ils disent, moi je ne boirai pas. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu, tu bois l'alcool. Puisque le pasteur n'en a pas parlé, moi je parle. Ne buvez pas! Ne buvez pas! Ne buvez pas l'alcool. Il y a plusieurs boissons. Tu peux boire de l'eau, tu peux boire les Vitalo, les Fanta. Il y a toutes sortes de boissons aussi. Tu n'arrives pas à boire tout ça. Bois la bouillie. Alléluia. Puisque vous aimez qu'on appelle les chats par son nom. Puisque là, tu es là, tu t'es dit, on n'a jamais cité la chose là que j'ai fait. On ne l'a jamais cité. C'est ce que tu attends. Bien-aimé. La crainte de Dieu. Dans l'église, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas de gloire. C'est la raison pour laquelle nous cherchons les miracles. Et les miracles ne viennent pas. Les maladies subsistent. Nous allons chasser les cancers. Nous allons chasser les maladies. Nous allons chasser toutes ces choses. Ils ne partiront pas. Ils ne partiront pas puisqu'il n'y a pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement l'église. Dans ton entreprise, les gens ont besoin de voir un modèle. Même s'ils te combattent, ils savent qu'il y a des valeurs qu'ils n'ont pas. Et le Seigneur a dit, j'aimerais être avec toi. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi aller avec toi. Puisque je sais qu'ils vont te combattre. Puisque tu ne les ressembles pas. Tu n'agis pas comme eux. Ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas t'accepter. Laisse-moi aller avec toi. Puisque moi, je combattrai pour toi. Bien-aimé. Nous devons défendre notre identité. Défendons notre identité. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu pries, lorsque tu te réveilles le matin, ta priorité c'est quoi? Puisque c'est ça notre vie, nous allons en parler chaque jour. Chacun de nous ici a un téléphone. Celui qui n'a pas de téléphone, c'est-à-dire on l'a volé hier ou la semaine passée. Mais quand tu te réveilles le matin, tu as ta Bible, tu as ton téléphone. Ta priorité, c'est quoi? Toi-même réponds. quand tu es en train de prier, que tu es à genoux, tu parles au Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui contrôle toutes les choses, le Dieu qui a ta vie entre ses mains, le Dieu qui peut dire « mère » et tu « mère ». Quand tu lui parles et que ton téléphone sonne, tu fais quoi? Bien-aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Respectons Dieu. Donnons à Dieu ses honneurs. Puisqu'il les mérite, il n'est pas en train de négocier avec nous. Alléluia. Pourquoi nous craignons les hommes plus que Dieu? Pourquoi lorsque ton chef te dit quelque chose, c'est mal, tu trembles. Ton chef peut te dire... Le travail commence à 8h, il te dit, sois ici à 6h. Je te dis à 6h. 6h moins, tu seras là. Mais à l'église, tu viens à quelle heure? Des excuses. Des raisons entre guillemets valables. J'ai dit souvent, ces raisons-là que nous présentons sont valables pour nous. Mais si on demandait à Dieu de donner son avis, est-ce que ta raison-là, ça sera valable? La Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Craignons Dieu. C'est lui qui a nos vies entre ses mains. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. De quelle crainte as-tu? La crainte de Dieu ou la crainte de la guéhenne? Ou la crainte de ton chef? Ou la crainte de ton mari? Ou de ta femme? Alléluia. Craindre Dieu, c'est obéir à ses ordres, à sa parole et à la mettre en pratique. Chaque fois que nous venons ici, nous écoutons la parole de Dieu. Mais pourquoi? Nous ne la mettons pas en pratique. Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, l'église Arche soit l'église des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui honorent Dieu, alléluia, que lorsque quelqu'un te voit, voit Dieu à toi. Alléluia. Dans notre langage, dans notre comportement, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Que les hommes voient Dieu au travers de nous. Bien-aimés, lorsque Dieu parle et que tu ne prends pas au sérieux les choses qu'il dit, cela montre que tu es en train de les mépriser. Puisque quelqu'un que tu méprises, vraiment, quand il dit quelque chose, c'est comme du bruit. Il ne dit rien. Alléluia. N'affichons pas de telles attitudes envers notre Dieu. Tu ne pourras jamais réussir dans ton établissement si tu ne crées pas le Seigneur. Beaucoup déjà se posent la question, pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi il y a toujours des blocages dans ma vie? Pose-toi la question, est-ce que je crée Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je l'honore? Je le respecte? Alléluia. Dieu voit et connaît toutes choses. Nous ne pouvons pas faire semblant devant Dieu. Non. Il voit, il connaît les profondeurs de nos cœurs. Il sonde nos motivations à toutes choses. Il sonde, il voit et il connaît. J'aimerais que nous puissions voir quelques bienfaits de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu produit en nous la sagesse. Nous l'avons lu dans notre passage de Psaume chapitre 111 et le verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas la sagesse qui vient avant. La crainte d'abord et puis le commencement, la sagesse commence là-bas. Alléluia. As-tu besoin de la sagesse dans cette entreprise là où Dieu t'a établi? Alléluia. Tu veux réussir dans ton foyer, tu as besoin de la sagesse. Tu veux réussir en tant que PDG, tu as besoin de la sagesse. Tu veux réussir dans ton foyer en tant qu'épouse, tu as besoin de la sagesse. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 14, le verset 1er. La femme sage bâtit sa maison. La femme sage. Ce n'est pas toutes les femmes qui bâtissent. Ce n'est pas toutes les femmes qui bâtissent les maisons. Jeunes gens, vous qui êtes ici, célibataires, avant d'épouser une femme, ne regardez pas d'abord à la beauté ni à la forme. Regarde si là-dedans, s'il y a de la sagesse. Si tu veux bâtir un foyer. Puisque si ta femme est insensée, elle-même, elle va détruire. Elle-même. Pas une force extérieure. Elle-même. Alléluia. Mais même à toi, homme, tu as besoin de la sagesse. Puisque Dieu t'a choisi comme chef de la famille. Nous avons besoin de la sagesse. Proverbe chapitre 9, verset 10, dit aussi que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Dans Proverbe 15, 33, dit, la crainte de Dieu enseigne la sagesse. La crainte de Dieu nous enseigne la sagesse. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième bienfait de la crainte de Dieu, c'est que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Vous qui étudiez, vous qui voulez aller loin dans la science, craignez Dieu. Puisque c'est la crainte, c'est dans la crainte de Dieu que tu vas trouver la science. Bien aimé, la science, c'est ça, la crainte de Dieu, c'est une ruine. Cette science-là peut te tuer. Si tu ne mets pas dedans la crainte de Dieu, ou si elle ne commence pas par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu produit en nous la haine du mal. Lorsque vous craignez de Dieu, lorsque vous craignez Dieu, vous allez haïr le mal. Pas vous allez craindre le mal, vous allez haïr. Quelque chose que vous haïssez, vous ne pouvez pas le faire. C'est par la crainte de Dieu seulement que vous pouvez arriver à haïr le mal. C'est par la crainte de Dieu que vous pouvez même, que vos yeux pourront même s'ouvrir pour que vous puissiez savoir que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Alléluia. Puisque lorsque vous ne craignez pas Dieu, vous essayez de vous justifier à toutes sortes. Alléluia. Pour la crainte de Dieu qui engendre la science, vous pouvez noter Proverbe chapitre 25, le verset 5. Et pour la crainte de Dieu qui produit la haine du mal, vous allez écrire Proverbe chapitre 8, le verset 13. Elle produit à nous les dégoûts du péché. La crainte de Dieu augmente les jours. Proverbe chapitre 10, le verset 7. Tu veux vivre longtemps? Crains Dieu. Crains Dieu, bien-aimé. Tu veux faire longtemps dans ton travail, dans ton poste, dans les postes dans lesquels le Seigneur t'a établi. Crains Dieu. Puisque lorsque tu ne crains pas Dieu, le mal va venir, tu vas commettre des bêtises, on va te chasser du travail. Mais lorsque tu crains Dieu, tu vas demeurer dans ces postes-là. Et on va te solliciter pour des promotions, puisque tu crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est le fruit de l'humilité. Sans humilité, tu ne peux pas craindre Dieu. Il faut d'abord accepter d'être humble. Et puis là, tu sauras craindre Dieu. Proverbe chapitre 22, verset 4. L'orgueil est contraire à la crainte de Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux ne veut pas vous dire qu'il craint Dieu. Il craint Dieu comment? Comment? Or, l'orgueil, c'est l'ennemi de la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à craindre Dieu? J'ai mentionné trois choses qui peuvent nous aider à craindre Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à l'obéir. La première chose est que nous devons aimer véritablement et sincèrement notre Dieu. Lorsque vous aimez Dieu véritablement, lorsque vous aimez sincèrement, vous allez le craindre. Vous allez l'obéir. Vous allez vous soumettre à lui. Alléluia. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si nous aimons Dieu sincèrement, nous allons l'obéir. nous allons les respecter. Nous ne voudrions pas qu'ils soient déshonorés à cause de nous. Nous ne voudrions pas que le nom de Dieu soit injurié à cause de nous. Aimons Dieu, comme la Bible nous dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toute ta force. Alléluia. Lorsque nous aimons Dieu de toute notre force et de tout notre cœur, bien-aimé, la crainte de Dieu va venir s'installer. Nous allons nous rendre compte que nous commençons à craindre Dieu. Alléluia. Jean chapitre 14 verset 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Vous ne pouvez pas dire que vous craignez Dieu ou bien que vous l'aimez au moment où vous n'obéissez pas à sa parole. Vous venez de faire 10 ans, 6 mois, 5 ans, 4 ans dans l'église et une année. Et vous êtes toujours la même personne, vous ne changez pas. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, mais vous ne changez pas. Bien-aimé, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Puisque Dieu, lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour que sa parole puisse nous transformer. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoie sa parole pour que sa parole nous change, pour que sa parole puisse transformer notre vie, pour que sa parole puisse nous guérir de toutes ces choses-là qui détruisent notre vie. Alléluia. Aimons Dieu, pratiquons sa parole, obéissons-le. La deuxième chose qui peut nous aider à craindre Dieu, c'est la conscience de la présence de Dieu dans votre vie. Lorsque je suis conscient que Dieu est présent dans ma vie, bien-aimé, je vais le craindre. Je ne voudrais pas faire des choses qui vont le déplaire. La Bible nous dit que lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, Christ, Dieu, le Saint-Esprit, ils viennent habiter en nous, ils viennent faire de leur demeure à nous. Alléluia. Il dit, c'est lui qui croira en moi, le Père, moi et l'Esprit, nous viendrons habiter, faire notre demeure chez lui. Si je suis conscient ou consciente que là où je suis, Dieu est en moi, bien-aimé, je ne peux pas amener Dieu n'importe où. Je ne peux pas amener Dieu dans la boîte de nuit. Je ne peux pas prétendre que Dieu est en moi. Et puis, me voilà dans le... Dieu est allé faire quoi? S'il va y aller de sa manière, mais qu'il ne passe pas par moi. Puisque Dieu est présent partout. Alléluia. Qu'il y aille de sa manière, mais pas par moi. Si je prétends que Dieu est à moi, et dans mon cœur, et dans ma vie. Bandoukou, ndakunyisha mungu pombe. Puisque le pasteur nous avait posé une question ici, il nous avait dit, quand nous disons que Dieu est à moi ou Jésus-Christ est à moi, il est dans les doigts, il est dans les pieds, il est dans la tête, il est où? C'est-à-dire, il est dans moi. Il est à moi partout. Mes mains ici ne m'appartiennent pas, puisque si ces mains sont les mains de Dieu, les mains de Dieu ne peuvent pas voler. Alléluia. Les pieds dans lesquels il y a Dieu ne peuvent pas aller voler ou décider d'aller injurier les voisins. Cette bouche-là. La Bible nous dit que Dieu vient vivre sa vie en nous. Lorsque nous recevons Christ, c'est que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, je ne suis plus les moi-là. Je ne suis plus celle. Je ne conduis plus ma vie comme je voulais. Maintenant, c'est Dieu qui conduit ma vie. C'est-à-dire, avant que je fasse quelque chose, il faut que nous puissions décider ensemble avec Dieu. Et puis, comme j'aime Dieu, tellement que j'aime Dieu, je ne vais pas l'offenser. Je vais accepter ce que Dieu veut me faire, me dit de faire, puisque je sais que Dieu ne peut pas me dicter de mauvaises choses. Alléluia. La Bible dit, Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite à vous? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Nous devons honorer les temples de Dieu. Nous devons faire respecter les temples de Dieu. Nous-mêmes, nous devons respecter les temples de Dieu. Puisque Dieu habite à nous. L'Esprit de Dieu habite à nous. L'Esprit de quelqu'un, c'est quelqu'un, non? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. S'il a mis son esprit à nous, c'est parce qu'il nous aime tellement. J'ai dit un jour à mes enfants, je pense que c'était à mes enfants, je les ai dit. Quand la parole de Dieu nous dit que au dernier jour, il y aura l'enlèvement, Dieu ne viendra pas t'enlever toi. Il viendra enlever son esprit. Alléluia. C'est seulement les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux qui seront enlevés. Alors, lorsque nous marchons et nous disons que nous sommes des chrétiens, demandons, nous posons-nous la question. Si je suis encore capable de voler, d'injurier, de forniquer, de faire l'adultère, est-ce que l'Esprit de Dieu habite réellement en moi? Alléluia. Puisque je ne m'appartiens plus à moi-même. Donc nous sommes les temples de Dieu, nous devons honorer ces temples de Dieu. La troisième chose qui peut nous aider à marcher dans la crainte de Dieu, c'est la conscience de l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Il est omniscient. Il est capable de tout. Bien-aimés, partout où nous pouvons nous retrouver, ayons la conscience que Dieu est ici. Lorsque même nous pouvons nous enfermer dans les coffres forts, nous entrons dans les coffres forts, puisqu'on appelle ça coffre fort. Nous entrons là à l'intérieur du coffre fort. Nous faisons la corruption là à l'intérieur du coffre fort et puis nous sortons. Dieu nous a vus. Alléluia. Si nous marchons avec la conscience que Dieu voit tout ce que nous faisons, Dieu connaît tout ce que nous faisons, rien n'échappe à son contrôle, nous allons les craindre. Nous allons les respecter. Nous allons l'honorer. Alléluia. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans l'église, les gens commencent à... Comment on appelle ça? À rétrograder. Les gens commencent à rétrograder. Lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église, il n'y a pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est bannie. Alléluia. Marchons dans la crainte de Dieu si nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette église. Obéissons Dieu. Craignons Dieu. Respectons Dieu. La façon dont nous nous préparons pour venir dans la présence de Dieu. Soyons conséquentes. Bien-aimés, vous savez que les dimanches, il y a combien d'heures dans la journée? Il y a combien d'heures? Il y a 12 heures. La journée de dimanche, c'est 12 heures. Et les cultes, nous les faisons pendant combien de temps? J'ai dit au premier culte, vous qui aimez porter les mini, je ne vous interdis pas. Portez votre mini de 5h à 7h30 ou bien à 7h juste, à lever. Habillez-vous bien de 7h30 à 9h30, venez à l'église. Et puis rentrez, enlevez les habits, restez même nus. Puisque vous pensez que lorsque nous vous parlons ces choses-là, nous sommes en train de vous interdire de porter vos habits. Vraiment, vous êtes libres. Mais la maison de Dieu, nous devons la respecter. Nous devons respecter. C'est juste désert. Le désert-là, si tu t'habilles bien, tu n'auras rien perdu. Seulement pour la gloire de Dieu. Lève-nous. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé que la crainte de Dieu est basée sur la relation. Incline ta tête dans la prière. Nous avons dit que la crainte de Dieu est basée sur la relation. Peut-être tu as écouté ce message et tu as dit, mais moi je n'ai même pas de relation. Comment est-ce que je peux craindre quelqu'un que je ne connais pas? Je n'ai même pas de relation avec Dieu. Bien aimé, c'est là le début même. Peut-être que c'est la raison pour laquelle tu te trouves que tu es en train de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Ne rate pas cette occasion puisque ce message est venu pour toi aujourd'hui, bien aimé. Si tu trouves que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ et que tu n'es pas en relation avec Dieu, tu peux juste profiter de cette occasion pour commencer une relation personnelle avec Dieu. Et le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur t'attend les bras ouverts. Si tu es là, tu peux te manifester à l'évage simplement ta main. Et le Seigneur va venir dans votre vie. Vous pouvez maintenant commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Puisque c'est difficile de marcher dans la crainte de Dieu si tu n'as pas une relation avec Dieu. Bien-aimé, si tu te retrouves que tu n'as pas encore une relation avec Dieu. Merci, merci ma soeur. Lève-toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Lève simplement ta main. Ce message est pour toi aujourd'hui. Ne rate pas cette occasion, puisque les heures, les minutes, les secondes qui viennent après ce qu'il t'est, tu ne sais pas les gérer. Il n'y a que Dieu seul qui sait les gérer. C'est lui seul qui sait pourquoi tu as écouté ce message ce matin. Il veut que tu commences une relation avec lui. Il veut commencer une relation avec toi. Il veut que tu lui donnes sa vie. Merci, bien-aimé. Merci, bien-aimé. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Tu peux fermer les yeux. Merci pour tous les bien-aimés qui avaient levé les mains. Vous allez me suivre dans cette prière. Aujourd'hui, c'est votre jour. C'est un jour inoubliable. C'est la meilleure des décisions que vous prenez dans votre vie. Faites de cette prière la vôtre. Je vais juste vous conduire. Dites Seigneur Jésus, merci pour ce matin, car tu as parlé à mon cœur. Seigneur, ce matin, j'ai écouté que je dois avoir une relation personnelle avec toi. Je décide de te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sauve-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Fais de moi une nouvelle créature. Inscris mon nom dans les livres de vie. Je décide de marcher dans la crainte avec toi. Je décide de t'abandonner ma vie. Merci Seigneur de me pardonner à ce jour. Merci Seigneur pour la vie éternelle que tu me donnes. Merci de venir habiter dans mon cœur. Je décide de t'honorer et de te respecter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être que tu es là. Tu t'es retrouvé quelque part. Que tu faisais les choses, mais tu ne savais pas que tu étais en train de déshonorer le Seigneur. Tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais dans tes attitudes, la crainte de Dieu n'a pas transparé. Tu peux lever la main et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour cette attitude que j'affichais vis-à-vis de toi. Je venais en retard à l'église. Je négligeais les programmes de l'église. J'ai froissé, je choisissais les derniers billets pour te donner. Seigneur, pardonne-moi. Demande pardon à Dieu. Prions, bien-aimés. Je sais que chacun de nous s'est retrouvé quelque part. Demande à Dieu, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te restaurer, de te pardonner. Tu veux renouveler, tu veux prendre une nouvelle décision, de commencer à craindre Dieu, de commencer à respecter Dieu, de commencer à honorer Dieu. Prie, bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Nous voulons renouer notre relation avec Dieu. Nous voulons arranger les choses qui nous ont séparés de Dieu, les choses qui ont fait que la gloire puisse sortir de notre vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons marché loin de toi. Nous n'avons pas tenu compte de toi. Nous n'avons pas observé tes lois. Nous n'avons pas pratiqué ta parole, Seigneur. Nous venons à toi. Nous te prions que tu nous pardonnes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne quelqu'un ce matin, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous prenons la décision de commencer à t'obéir, à te craindre, à marcher avec toi, Seigneur. Aide-nous à te respecter, à te faire respecter dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous t'avons souvent mélangé avec les péchés dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci car tu es le Dieu vivant et fidèle. Merci Seigneur car tu es celui qui ne rejette pas celui qui vient à toi. Accepte et agrée ces prières, Seigneur, qui soient élevées vers toi. Manifeste ta puissance, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.